laque à flot dans les cheveux, robe et souliers vernis et la peinture sur tes yeux. Et moi, faut que je sorte les cochons. Bah oui, faut bien que je sorte les cochons. Assis sur le bout de ta chaise, le petit doigt raide comme une brique. Tu tournes ta cuillère, ça c'est une vraie gymnastique. Tes lèvres touchent à peine le bord à mousse et du godet. On dirait que ça te gêne, j'y ai fait tremper mon dentier. Et là, faut que je sorte les cochons. On va pas rester tout seul dans le parc. J'aime bien comme tu m'épies avec tes gros yeux tout ronds. C'est bien que tu sois gentil, je penserais que tu me prends pour un con. J'ai mis ma plus belle cravate, j'ai rentré ma chemise. J'ai vidé l'eau de toilette et mis la mousse pour que je frise. Du mauvais jambon. Et tout à l'heure au bal, je ferai tourner tes jupons. Fougueux comme mon cheval, je ferai claquer mes talons. Puis quand tu seras trop fatigué, je te coucherai sur la paille. Je te montrerai que les fermiers, c'est pas des gens de Versailles. Oh, parce qu'un cochon qui sort pas, c'est un cochon plein de gras. Oh, j'ai sorti les cochons. Cochon heureux, jambon fameux. Eh oh, t'es plus là? T'es parti? Bah, je serai tout seul au bal alors. Ou avec mon cochon.